Difficile de caser une lecture dans votre emploi du temps? Avec le livre audio, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et aussi des podcasts sur votre smartphone. Des coachings audio aux fictions sonores, explorez notre catalogue. N'attendez plus, téléchargez l'appli Audible et vibrez au son des livres. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 15 mars de quelle année? Le 15 mars de l'année 44 avant Jésus-Christ, bien entendu. Les Romains appelaient ça les Ides de Mars, le jour de la mort de Jules César, avec le fameux « Tu quoque mi fili ». Tu quoque mi fili, toi aussi, mon fils, c'est oui. Brutus, oui, évidemment. Oui, Marcus Brutus, en réalité, il était l'enfant de la maîtresse de Jules César, mais le grand homme le considérait comme son propre fils. À cette époque, César est au sommet de la gloire, et j'ai besoin de vous le dire, il a 55 ans, il vient d'obtenir le pouvoir à vie. Ce n'est pas un empereur, à l'époque, la République est toujours en vigueur à Rome. Certes, on soupçonne l'illustre Jules de vouloir se faire couronner et de mettre bientôt à mal les privilèges des véritables tenants du pouvoir, c'est-à-dire les patriciens, autrement dit la haute société romaine. Et dites-moi, c'est pour cela qu'il est assassiné? Essentiellement, oui. Un complot a été ourdi par une soixantaine de conjurés. Aux Ides de Mars, donc, le 15, doit se tenir une séance au Sénat, comme prévu. Sitôt César entré, un des comploteurs feint une colère pour avoir un prétexte de s'accrocher au manteau du dictateur et de l'en dégarnir. C'est le signal qui avait été donné. À ce moment-là, les conjurés fondent littéralement sur César et vont lui asséner 23 coups de poignard. Et parmi eux se trouve Brutus. Brutus, d'où ce dernier mot, même toi mon fils, un de ces mots historiques qui d'entre nous ont peut-être été forgés après coup, on n'en saura jamais rien. Quoi qu'il en soit, après la guerre civile viendra Octave qui lui mettra réellement fin à la République et fondera cet empire dont il est le premier César Auguste. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, pour une heure consacrée à la seconde Rome, cette fois Byzance, et à l'impératrice Théodora.